Sors et ma cilsi. Préparez-vous, soirée, je suis avec vous. Les écrits sur ma feuille, je les partage avec vous. L'enfer est sur terre, Frollo, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'il y a, cherche pas la gifle sur la joue. Préparez-vous, soirée, je suis avec vous. Les écrits sur ma feuille, je les partage avec vous. L'enfer est sur terre, Frollo, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'il y a, cherche pas la gifle sur la joue. J'ai l'intention de décrocher un disque, puisque je chante ma fierté, je t'explique. J'ai l'intention de représenter mon 9-10 génération. Je représente d'où je viens, fils. J'ai l'intention d'écrire, même si c'est la dernière. Je reste fier d'être maoré, ma terre. J'ai l'intention de prendre plus d'altitude, comme d'habitude. J'ai pas besoin de ton aide. J'ai l'intention de te rappeler ma plaque. M'articule 976, je ne blague pas, belle. J'ai l'intention de baiser le temps de temps à temps. Je prends mon temps de prendre plus d'élan. J'ai l'intention de faire plus d'attention pour l'avenir. Trop de langues putes sur terre. J'ai pas l'intention de me mettre en veille. J'essaie d'être moi-même, j'suis pas là pour me faire de l'oseille. Préparez-vous, soirée, j'suis avec vous. Les écrits sur ma feuille, je les partage avec vous. L'enfer est sur terre, Frollo, j'l'avoue. Et qu'est-ce qu'il y a, cherche pas la gifle sur la joue. Préparez-vous, soirée, j'suis avec vous. Les écrits sur ma feuille, je les partage avec vous. L'enfer est sur terre, Frollo, j'l'avoue. Et qu'est-ce qu'il y a, cherche pas la gifle sur la joue. J'laisse pas ma place pour honorer mon 976. J'lâche pas le mic, j'ai la technique. J'suis de retour, mec, bombé de pec. J'ai pas pris la retraite, mec. J'ai repris ma plume, puis refaite pour mes textes. Mais fille-toi de le qui dort, j'ai pas la voix nord. Mais j'meurs dans l'instru jusqu'à ce qu'elle meure. J'suis condamné au rap, ce n'est qu'le début. Attends la nouvelle tape, tu sauras qui je suis. Surveille tes arrières, tu sauras quoi faire. Je fuck le marronneur, que tu sois blanc ou blanc beurre. Je sais pas, cheese, pas tu réalises pas que t'agresses à chaque fois. Et que tu fasses valeur. Que j'ai mon Glock et la classe. Welcome to the Mayana. Juste couplé pour savoir d'où je viens. Sors et ma cilsi. Moi m'taro rompi. Préparez-vous, soirée, je suis avec vous. Les écrits sur ma feuille, je les partage avec vous. L'enfer est sur terre, Frollo, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'il y a, cherche pas la gifle sur la joue. Préparez-vous, soirée, je suis avec vous. Les écrits sur ma feuille, je les partage avec vous. L'enfer est sur terre, Frollo, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'il y a, cherche pas la gifle sur la joue.